Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 98. On est mercredi matin, le 27 avril. Il pleut tout le temps, il pleut, man. Fait que 98, comme le joueur de hockey Mikhail Sergachev, mesdames et messieurs. Et je vois ici sur Internet que le 98 est le numéro le plus rare dans l'histoire de la NHL. Seulement 3 joueurs l'ont porté. Brian Lawton, Jesse Puljujarvi, là. Et puis Mikhail Sergachev. Alors voilà, on apprend toujours des choses importantes au Papa Cassette Podcast. Fait que, oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de spectacle. En effet, ben, j'ai fait un petit post Facebook pour vous expliquer, là, mais pas eu de maladie, là, ou de rien de spécial, juste comme, et occupé du matin au soir. Puis, j'enregistre tout le temps mes podcasts au bureau, le matin, en arrivant. Tu vois, là, il était 8h30 quand j'étais arrivé. Fait que, avant de commencer à travailler, là, tu sais, mais des fois, le travail, il est là tout de suite, puis il y en a jusqu'à 5 heures et plus, fait que ça finit pas. Puis ça a été de même pendant 2-3 semaines, fait que c'est ça, j'ai pas eu le temps. Ça arrive. On a quand même fait un épisode de Rétro Nouveau qui dure 3 heures et quelques, là, vous pouvez aller l'écouter, le dernier épisode de Rétro Nouveau. Vous pouvez padder avec Rétro Nouveau, là, si jamais vous voulez plus de Papa Cassette. Et l'inverse. Bon, fait que rien de spécial, gros spectacle aujourd'hui, ben des sujets, je sais pas si j'ai le temps de couvrir tout ça, fait qu'on va commencer tout de suite avec la grosse affaire, vous voyez dans ma main, je tiens ma tasse à la télévision dans laquelle je bois du café de qualité moyenne continuellement, et puis là, j'ai comme mal au ventre là, cette nuit à matin, là, je me sens comme de la merde là, pour être franc, puis dehors il pleut man, puis... Je suis fatigué, puis mal dormi, puis je dors mal, puis c'est ça. Comme l'impression que la vie me passe dessus ces temps-ci. Mais c'est ça. Donc je vais garder le sourire et puis on va parler de ma vente, de la vente de mon set Intellivision, mesdames et messieurs. Vous savez, j'aime bien sûr beaucoup l'Intellivision. C'est une console avec laquelle je n'ai pas grandi, mais dont j'ai vu mes parents jouer beaucoup. T'sais, nous autres dans la maison ici, au plus loin que je me rappelle, mes parents y avaient une Intellivision. Quand nous on était très jeunes, donc quand mes parents étaient plus jeunes que l'âge que j'ai présentement, donc ils étaient, mes parents m'ont eu jeune là, dans le fond. Dans ce temps-là, c'était ça la mode, là, aller le plus vite possible, te caser, te marier, puis avoir des enfants. Fait qu'ils ont suivi ce pattern-là. Fait que quand moi j'avais, 5 ans, tu sais, puis qu'il y avait une Intellivision dans la maison, ben mes parents étaient très jeunes, tu sais, une trentaine, s'ils m'ont eu à 25. Mes parents devaient avoir 30 ans. Donc, ils aimaient ça, les jeux vidéo, eux autres, c'était comme, c'était nouveau, tu sais. Fait que l'Intellivision était fort dans la famille. Et, ma mère en a eu, son frère en a eu, ma grand-mère en a eu aussi, je pense. Fait qu'ils ont comme tout découvert ça dans notre famille à un moment donné, l'Intellivision, puis... Moi, je regardais mes parents jouer, tu sais, parce que c'est pas jouable, là, cette petite manette-là, pour un enfant de 5 ans. Et puis, même encore aujourd'hui. Et puis, moi, je regardais ça, puis je trouvais ça donc ben hot, tu sais. Puis, quand mon père se rendait loin à Sewer Sam, et puis, j'en ai déjà parlé dans mon podcast, tout ça. Fait que skiing, man, les quilles, il jouait à tout, man. C'était merveilleux. J'aimais ça. J'aimerais ça me souvenir des boîtes, tu sais. Où est-ce qu'ils étaient rangés chez nous? Je pense pas que mes parents les aient jetés. Ça va être quelque part. En tout cas. Puis, ben, avec le temps, ils se sont tannés, tu sais. Moi, je trouvais qu'ils jouaient pas assez. Ils voulaient qu'ils jouaient plus. Mais ils se sont tannés, puis that's it. Puis là, un moment donné, ma grand-mère a continué l'exploration. Elle avait une Atari 2600. Et puis, elle a runné ça longtemps. Et puis, c'était bien le fun. Puis, nos voisins aussi, tu sais, mes parents, bien sûr, ils étaient jeunes, encore une fois. Fait qu'ils faisaient des parties. Ils allaient boire de la bière chez les voisins. Il y avait des Atari, là, un peu partout. Ma grand-mère nous a refilé son Atari. Fait que là, ça a comme un petit voisinage d'Atari, un peu. Fait que c'est pour ça que je suis très Atari aussi. Puis, mais tu sais, ça s'est éteint tranquillement. Puis, ma grand-mère s'est acheté une NES. Alors, NES chez ma grand-mère. Atari chez nous pendant très longtemps. Puis un jour, j'ai eu une NES. Fait qu'en gros, c'est ça, mais l'Intellivision, c'est pas tant pour y avoir joué quand j'étais jeune que juste sa présence dans la maison et dans ma famille, tu sais. Fait que ça, c'est pour ça que j'ai cliqué un peu sur... J'ai une petite fixation sur cette compagnie-là. Puis c'est tellement pas une si grosse compagnie que ça, c'est tellement comme un peu champ gauche comme affaire, que j'aime ça avoir une tasse, un chandail, tu sais. Moi, j'aime ça les affaires pas mainstream, tu sais, ça a toujours été ça. Bien sûr, je trippe sur 1000 affaires mainstream, là, on s'entend. Mais si, je me trouve cool, là, d'aimer ça la télévision, tu sais. Mais j'aime ça pour vrai. Pas que j'y joue à tous les jours, là. Personne de vous joue à l'Atari, Coleco ou à la télévision à tous les jours, on s'entend. Mais tu sais, je trouve que ça a son cachet, puis c'est son histoire. Pis c'est ses vraies couleurs, tu sais, ce bonhomme-là, tu sais, c'est le bonhomme à télévision, pis ça va toujours être le bonhomme à télévision, tu sais, puis le son, les applaudissements, le bruit dans les jeux qui reviennent l'un à l'autre. Tout ça, c'est tout beau, tu sais, des vrais IP qu'ils ont développé, donc tout ça est cool. Donc, quand je faisais de la vente de jeux en 1900, je me rappelle plus en quelle année, là, quand j'avais mon local sur Frontenac. Donc, 2 ans avec Arcade Montréal ouvre, donc Arcade a 6 ans, fait que ça fait 8 ans, donc il y a 8 ans. Là, on est en 2022, moins 2 ça fait 20, moins 6 ça fait 4, en 2014, j'avais mon petit local sur Frontenac avec des arcades toutes les soirées, je faisais la vente de jeux, puis il y avait un runner dans ce temps-là, qui se prénommait Sébastien. Et puis lui, il feedait, tu sais, les boutiques, les revendeurs, tout ça. Lui, c'était comme un gars qui... Un runner, tu sais, dans le jargon de la revente de jeux. Tu sais, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la route carrément, puis qui chasse les jeux, check les petites annonces, et partout, achète une place, vend l'autre place. Fait comme du volume de même, là, si je peux dire. Puis j'ai tout le temps trouvé ça fascinant quand même, parce que... Bon, il fait ça parce que... Dans le fond, il acquiert beaucoup de jeux. Ben là, je parle de lui, mais je parle des runners en général. Donc, le métier de runner, c'est de pogner beaucoup de volume. Puis, tu sais, si tu veux le revendre à un marchand, tu peux pas le vendre 100%, tu sais. Fait que dans le fond, c'est de le trouver vraiment pas cher et de le vendre, je sais-tu, moi, à 70% des marchands qui, eux, ont pas le temps de runner puis de courir les jeux, tu sais, dans le fond. Fait que c'est de même que ça fonctionne. Fait qu'il venait me voir de temps en temps, et puis un moment donné, il venait tout le temps me voir avec ses fucking restants. T'sais, j'ai jamais acheté grand chose. C'est sûr qu'il allait tout le temps donner ça à ses clients préférés. Mais non, on n'a jamais fait grand chose ensemble. Mais une fois, il est arrivé avec ce lot d'Intellivision dont personne n'avait voulu. Un Intellivision modèle 3, et puis une batch de jeux, tout complet en boîte, super propre, dont des jeux late. De la collection de la librairie à la télévision. Donc des jeux de sport dans des boîtes blanches, t'sais. Parce que les boîtes bleues de sport, ça c'est le début, on s'en crisse. Mais les boîtes blanches, ça c'est plus rare. Les Super Pro, puis les Super Pro Hockey, Body Slam, le jeu de golf, basketball, puis bien sûr Super Pro, Spike Volleyball, je sais pas quoi, le jeu de volleyball qui est le gros grill de l'Intellivision qui vaut des milliers de dollars. Fait que c'est ça. Mais il y avait pas ça dedans, mais il y avait tellement un beau kit que j'ai décidé, Chris, m'en garder ça pour moi. Je trouve ça nice. Et puis tranquillement, avec le temps, je vais essayer d'acquérir la librairie complète en boîte. T'sais. Et puis avec le temps, j'ai ramassé des affaires ici, à gauche, à droite, mais... J'ai jamais chassé les jeux à télévision sur eBay. Puis, tu sais, c'est tout le temps genre des affaires qui ont popé en magasin, du monde random qui en avait, ou des affaires comme ça. Tu sais, j'ai jamais couru après ça vraiment. Je me suis dit, je vais le bâtir sur le side. Puis, sur des groupes Facebook, j'en ai acheté quand même, là, quelques-uns ici et là. Des belles choses. Et puis, ça se bâtissait avec le temps, et puis, mais très peu, tu sais, c'était comme un projet vraiment sur le side, là, tu sais. Et puis, c'est ça, là, fast forward aujourd'hui, tu sais, vous savez où j'en suis, j'ai complété le set NES, parce que le NES, ça, c'est ma console, tu sais, j'ai vraiment grandi avec ça. Super NES, Game Boy, Super NES, tu sais, c'est mes trois. Moi, je veux full setter ces trois affaires-là, tu sais. C'est mes trois consoles d'enfance, vraiment, que j'ai joué. Tu sais, qui ont juste paru dans ma maison. Fait que j'ai décidé l'année passée ou l'autre d'avant que c'est ça que j'allais faire. C'est les 3 sets que je garde. Et puis pour ce qui est du restant de ma collection, ça se pourrait bien que tout débarque un jour et que je garde juste mes 3 sets NES, Super NES, Game Boy, tous mes jeux Switch. Je ferai jamais de set Switch. mais j'aime acquérir tous les bons jeux et y jouer et les collectionner. Sinon, Atari 2600, bien sûr, ça, vous voyez, pendant la COVID, j'ai coupé dans l'Atari, là, coupé, j'avais plein de séries, là, puis tout ça, puis j'ai tout vendu ça. Je garde juste mes Silver Label, les boîtes en argent, que je veux toutes complet en boîte, mais là, j'ai rendu un level tough d'y trouver. La série Red Label, les boîtes rouge vin, et puis toutes les Activision, standard et special. Puis là, j'ai du Parker Brothers en boîte, beaucoup, et puis j'ai la série complète Parker Brothers, puis ça se pourrait que je la vende. Pour vrai, là, ça se pourrait que ça s'en aille, j'ai pas vraiment... C'est juste beau, les boîtes grises, tu sais, mais encore une fois, c'est du cash, c'est de l'espace. Puis je suis pas tant que ça là-dedans, tu sais. Bien sûr, dans ma collection, j'ai une batch de jeux PlayStation 2, quelques jeux PlayStation 1, j'ai une collection Wii pas pire. D'ailleurs, là, j'en ai même pas parlé sur mes réseaux sociaux, mais j'en ai coupé la moitié. Comme en fin de semaine, j'ai sorti la moitié de mes jeux Wii. Je les ai ramenés chez RetroMTL. C'est des jeux que j'avais pris de l'inventaire, fait que je les redonne. Je les avais achetés au cost, je les revends au cost. C'est comme un emprunt. Mais je décide de pas garder ça. D'ailleurs, donc, si vous voyez des beaux jeux Wii popés, là, ça vient de ma collection. Chez RetroMTL, ils viennent pas mal tous de ma collection. Il y aura le Fritz Chess, d'ailleurs, le jeu d'échecs qui est un des pas communs du tout à trouver sur Wii. Fait que c'est ça. Pour le Wii, j'y donne encore sa chance. Je veux juste garder les jeux que je pense que je vais jouer ou que j'ai joué puis que j'ai aimé avec mes enfants ou seul. Puis ceux que j'ai pas essayé encore, je me dis peut-être c'est bon. T'sais, j'ai un jeu les rail shooters, t'sais, je les garde pas mal, sauf quand c'est pourri. Martian Panic, j'ai débarrassé ça. Sinon, Reload, ça a l'air excellent, tu sais, ça, je vais garder ça. Target Terror, Ghost Squad, les House of the Dead, c'est tous des bons rail shooters, ça. Puis on avait joué dans un WEG passé, on avait fait une station Wii, puis on avait eu du plaisir. Fait que les petits shmups, Redem Heaven Fever, très cool, ça, je garde ça, c'est ça. Les Kirby. Kirby Epic Yarn, là, la petite musique, là. Ah ça vient me chercher, là, ça me rappelle quand mes enfants étaient petits. Mon plus vieux garçon, on a fait Kirby et Epic Yarn ensemble. Et puis dans Kirby and the Forgotten Land, quand t'es dans ta maison, tu peux aller voir un album photo puis il te montre des anciens jeux de Kirby. Puis quand tu roll over Epic Yarn, c'est cette musique-là qui part, vous irez voir ça. Cette douce musique, ça vient me chercher. Fait que c'est ça. Donc pour revenir, tu sais, je suis rendu là dans ma vie de collectionneur. J'ai envie d'avoir moins d'éléments chez nous. C'est bizarre parce que j'ai plus de place qu'avant. Puis là, je veux moins. Je veux moins de gogos dans ma vie. Tu sais, pas juste des jeux. Tu sais, mon plus jeune, il y a du linge là, partout là, puis ça m'angoisse là. Les objets, c'est comme une prison. Tu sais, si je collectionnais pas les jeux, là, j'aurais peu de choses, là. Vraiment, j'aurais rien, j'aurais juste du linge, puis quelques petites babioles, tu sais, that's it, tu sais, oui, j'ai des DVD, là, des coffrets de Robot Chicken, ben, je trouvais ça dans ma hot, tu sais, mais je regarde jamais ça, ma calice, tu sais, je garde des films, là, puis un lecteur DVD pour whatever, mais, tu sais, des fois, on me demande, collectionnes-tu autre chose? Non, je veux pas collectionner autre chose, c'est déjà une malédiction d'avoir le désir de collectionner une chose. S'il faut en plus que je vire fou à collectionner autre chose, man, ma vie va être un enfer. Puis ça coûte cher, tout ça. Fait que c'est ça, tu sais. L'intellivision, j'aimais quand même ça, tu sais. C'est ça qui arrive, là. C'est plus dur pour moi, vraiment, de couper ça que de couper Nintendo 64, Sega Master System, Dreamcast, tu sais. Toutes ces affaires-là, Virtual Boy, tu sais. Ça, je laisse ça partir, c'est vraiment pas compliqué. Mais ça me fait rien. L'intellivision, je peux pas me dire que ça a fait grand chose pour là. Là, je suis. Au contraire, tu sais, c'est parce que. Comme je collectionne très anal, tu sais. Là, il y en a qui trouvent ça drôle quand j'utilise le terme anal. Là. C'est par rapport à Freud, tu sais, comme anal focus, tu sais. Comme... C'est pas des. Oui, les fesses, là, anal, mais c'est pas vraiment ça. Mais là, ça fait longtemps la philo, là, du cégep, je m'en rappelle plus. Mais j'ai comme resté pogné avec cette expression-là, puis entre amis, on dit ça tout le temps. C'est anal en tabarnak. Mais bref, c'est une façon pour moi de dire très focus, tu sais. Parce que j'ai des listes de mes affaires, j'ai des upgrades. Pour ma collection à télévision, j'avais, tu sais, un sheet, un Excel, là, entre guillemets, avec. tous mes jeux listés, s'il y en a qui manquent des overlays, s'il y en a qui sont canadiens, s'il y en a... Fait que là, il y en a, ah ouais, c'est vrai ça, j'ai le variant lui, mais dans ce variant-là, il manque un overlay, tu sais. Puis là, moi, quand je regarde ces affaires-là, je dis, il faudrait bien que, tu sais, je trouve ça un jour, il faudrait bien que je complète ça un jour, parce que je veux compléter les affaires, tu sais, sinon c'est pas fini, puis ça me dérange. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé, je me suis rendu compte que je finirais jamais ce set-là. D'un, parce que le set Super NES, c'est très cher à faire, vraiment, vraiment. Là. N'importe quel jeu moyen vaut 50, 60, 70 piastres, tu sais, c'est un des plus chers à faire, là, je trouve, à date. Et puis, si j'avais pas une boutique de jeux, je le ferais même pas, tu sais, mais là, ça me donne l'occasion de voir ben de la junk passer, fait que je l'ai moins cher. Mais, puis c'est pas fini du tout, là, tu sais, vous me voyez aller sur Facebook, tu sais, j'en rentre, mais, tu sais... Les derniers jeux de mon ami Thomas Lacombe que j'ai pris, il y en avait pas mal pour quasiment 1000$ là-dedans, là, c'est pas rien, là. Fait que c'est. Puis c'est quoi? C'est pas beaucoup de jeux, là. Fait que. Puis il m'en manque la moitié. Mais c'est ça. Puis là, je suis dans un stade de ma vie aussi, j'ai 42 ans, mon premier tour secondaire privé, mon deuxième va sûrement aller dans une école privée quelconque, lui ici. On verra. Vu qu'il a sauté une année, l'année prochaine, il va être en cinquième année. Puis pour ceux qui ont des enfants qui sont rendus là, vous savez que c'est pas mal rendu en cinquième année qu'il faut magasiner les écoles secondaires. Surtout si vous allez au privé, bien sûr. Ça, tu vas visiter les écoles, tu checkes les programmes, puis tout ça. Mais il faut que tu fasses ça en cinquième année, parce qu'en sixième année, tu sais, tout est booké, tout est trop tard. Fait que déjà, l'année prochaine, il faut que je magasine les écoles secondaires de mon petit pit. Tu sais, c'est incroyable, ça, là. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendu là, même le cash, tu sais, l'immeuble, là, faut faire tout le fer sur l'immeuble en avant, là, la galerie, tout ça, le fer forgé, là. Bon, vous savez, ça se défait avec le temps, là. C'est une mauvaise idée, aurais-tu de faire ça en plastique, dans le temps, et puis ça se défait, donc là, on check les compagnies pour faire ça, parce que c'est une job de marde, là, tu sais, puis nous autres, on a deux étages en avant, des fioritures dans le fer, puis on a un escalier en arrière. Il y en a, tu sais, on a des soumissions, il y en a une à 7000, il y en a une à 5000, 6000. Fait que là, c'est comme ça, man, tout ça pour du maudit fer, là, tu sais. Oui, on peut le faire nous-mêmes, mais c'est une job de marde, pis c'est long, tu sais. Faut que tu grindes avec ton petit grinder. Après ça, faut que tu mettes du petit, du prime. Après ça, faut que tu refasses ça. Mais là, c'est de la peinture aussi métallique, tu sais. Je veux dire, c'est hyper toxique, sale, dégueulasse, là, tu sais. Donc, tu vois, ça. Et puis, notre petite madame en haut, ma locataire, elle vieillit encore plus. Elle qui était pas mal vieille déjà. Fait que si elle quitte d'ici un an ou deux, il faut refaire son appart, là, tu sais. Coûte pas 10 000 piastres, ça, là, tu sais. Donc, reprends ça à marge, pas hypothécaire. Mais tu sais, l'immeuble, c'est un investissement, oublie pas. Donc, ça, c'est une business en tant que tel. Faut que je rénove cet appartement-là pour le louer plus cher, tu sais. Puis il va se repayer tout seul, puis à la fin, c'est gagnant, tu sais. De toute façon, sa salle de bain est finie, là. Fini, tu sais, y a rien à faire avec ça. Puis on peut pas la déménager, faire des rénaux, puis la remettre là, je veux dire, ça va complètement la perturber. Fait que on fait juste patcher comme on peut, et là, quand ça a des affaires pètent. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire, le cash me sort par les oreilles, man, l'immeuble, les comptes, les enfants, les vacances, c'est incroyable, incroyable. L'argent, c'est comme, ça rentre, ça sort. Ouais. J'ai bien de la misère à piler du cash présentement. Puis pourquoi je parle d'argent encore? Parce que je parle toujours de ça, oui. Mais, je m'en rappelle plus. En tout cas. Mais, tout ça, c'est ça. Fait que, faut, j'ai pas de temps. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai pas des temps de cash à mettre dans les jeux vidéo présentement non plus. Fait que, c'est ça. Puis, fait que, voilà. Ça, depuis le début de la COVID, j'ai sorti des affaires de chez nous. Beaucoup. J'ai tout vendu mon Coleco. Plein de sections Atari. J'ai vendu des consoles que j'avais en double, genre des affaires qui me servent plus parce que j'ai des consoles analogues. T'sais, pourquoi est-ce que je garderais, t'sais, une Super NES? Vends ça. Des manettes, oui, j'en avais plein. J'avais les Pro Controller classiques. J'avais les Classic Controller puis les Pro Classic Controller. J'ai pas besoin des deux. Là, t'sais, comme, débarrasse ça. Sors des manettes, sors des affaires, man. Tout ça, faut que ça décrisse, t'sais. Puis c'est ça, les objets c'est une prison. Alors là, il y a un gros monolithe qui est sorti de chez nous, c'est Intellivision. Et puis j'ai pris la décision en fin de semaine, j'ai tout sorti ça, j'ai pris ça en photo, j'ai pitché ça sur Facebook. Ici au Québec, sur le CCJVQ seulement, sachant très bien qu'il n'y a personne qui allait acheter ça. J'ai pitché ça sur un groupe ontarien, sachant très bien que personne n'allait acheter ça. Et j'ai pitché ça sur deux groupes d'Intellivision, dont Intellivision Invasion, qui est pas mal le meilleur groupe à télévision, et puis un autre. Et puis j'ai reçu une offre d'un dude qui est le dude que je considère Intellivision, là, tu sais, qui est très présent, tu sais, puis qui achète beaucoup, il vend beaucoup, il s'est fait un site web, tu sais. Fait que je me disais, sûrement que lui va me poker. Il va avoir une offre, ça va être la seule que je vais avoir, passer de l'Intellivision, puis personne ne court après ça, tu sais, puis on verra bien. Mon prix, j'ai tout price charté, tout ça, il y en avait pour 5000. Mais là, on sait très bien que là-dedans, mettons, tous les jeux, les early jeux, les premiers, là, les jeux rouges, là, Night Stalker, Frogbug, Space Armada, Space Spartan, y a-t-il un Space Spartan, là? Oui. Burger Time, tu sais, tous ces jeux-là, tous les jeux de mauve, là, tu sais, River Sea, Chess, les dames, les jeux verts, la roulette, là, les chevaux de course, tu sais, cochonneries-là, personne veut ça, tu sais. Fait oui, moi, je mets de la valeur dans price charting pour ces affaires-là, puis ça remonte à 10, 15, 20 piastres chaque, mais au final, ça vaut rien, tu sais. On en a plein ici, là. Moi, je vends ça en bulk sur eBay avec Retro MTL, puis tu sais, comme pour des peanuts. C'est des affaires que vous voyez partout, là. Si vous êtes sur Marketplace, vous voyez des affaires à télévision, c'est ces jeux-là, là. C'est comme une malédiction, hein, partout, partout. Fait que ça n'a techniquement aucune valeur. Fait que je savais très bien que de mon 5000 de départ, il fallait que je cote, tu sais, toutes ces affaires-là qui valent rien. Fait que moi, j'ai vu 5000, bon, ça vaut 5000, je demande 4000, négociable, on verra ce que ça donne. Puis, j'étais surpris de... Il n'y avait pas du monde tant que ça qui bâche les prix ou whatever, tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, surtout sur les groupes d'Intellivision. Il y a un épais qui ne sait pas écrire, qui a répondu, et puis un autre qui a mis le fameux gif là, des gens qui rient. Je sais pas c'est quel film, ça, le gars est en saut de blanc, puis il est comme « avec ses chums ». Bon, fait que à part ces deux épais-là, il n'y a pas eu rien. Fait que je suis impressionné. Impressionné. Il y a même pas eu là, les ticlins là, du CCJVQ là, qui m'attaquent ou qui maïssent ou je sais pas quoi, là, qui ont commenté. Fait que c'est bien. Fait que ça a été cool. J'ai eu une offre de... Ouais. Puis les groupes à télévision, c'est des groupes américains. Fait que je faisais... Moi, j'écrivais dans mon post, valeur de 5000 Canadiens demande 4000 ou valeur de 3000 US demande 2008, là, quelque chose de même. 4, 3, en tout cas. On va parler en Canadien. Mais finalement, c'est deux Canadiens qui m'ont poké parce que le gars d'Intellivision que je vous parle, il m'a fait une offre à 2008, 2800, donc sur ma demande de 4000. Donc, je me disais, c'est 3000 sur 4000, c'est très bon. C'est très, très bon. Même que c'est plus que 50% de la valeur de price charting. Puis, il est prêt à payer. Il était prêt à me payer, tu sais, virement email, donc Interact, pas de PayPal, argent straight. On se connaissait pas personnellement, mais tu sais, il me trustait. Puis, moi, bien sûr, je le trust. Fait que ça, c'est tout le temps un plus. Je vous recommande pas de faire ça, par contre, là, à moins que ce soit vraiment, tu sais, du monde. Très très connu et facile là, dans les groupes Facebook, il y en a que tu voyais tout le temps passer, puis la renommée n'est pas à faire. Puis la personne avec qui je dealais, c'était ce genre de gars-là. T'sais. Fait que j'imagine d'aller voir mes affaires aussi, puis trouver que j'étais legit, fait que c'est parfait. Il était prêt à payer le shipping, tout, puis il habitait au BC. Fait que là, ça c'était le soir. Il était à 8h. J'ai dit « Ok, cool, très intéressant. Je veux juste regarder ma liste encore, je te reviens demain. » Et puis, le lendemain matin, en me réveillant, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait écrit, un Ontarien. Puis, ça a été comme très tac, tac, tac. Puis, lui, il m'offrait 3000, puis payait tout le shipping et tout. Fait que 200$ de plus que l'autre. Fait que je me suis dit « Là, c'est intéressant, j'ai une autre offre, tu sais, mais le paiement, ça ferait comment? » PayPal, puis tu vas payer les frais, et puis tu vas payer le shipping, tu sais, oui, oui, oui. Parce que quand tu payes avec PayPal, pour ceux qui ne savent pas, tu as deux façons de faire. Tu peux envoyer de l'argent en ami, entre guillemets. Là, il n'y a personne, il n'y a pas de frais nulle part. Mais par contre, tu n'as pas de recours. Fait que si la personne garde ton cash, puis tu ne ships pas ton affaire, ben, too bad. C'est comme un virement Interact, tu sais, tu ne peux rien faire. Ou quand tu utilises PayPal en frais et services, ben là, PayPal, dépendamment du montant, puis je ne sais pas quoi, il y a un pourcentage qui se garde, tu sais. Fait que moi, sur le 3000, il s'est gardé 87$. Fait que c'est ça. Mais moi, habituellement, quand je deal, tu sais, je demande à l'acheteur de payer ce frais-là, parce que c'est lui qui me fait pas confiance, d'une certaine façon. Mais bon, s'il avait obstiné, j'aurais dit « OK, c'est pas grave, là, mais le shipping, ça, fallait qu'il le paye. » Puis finalement, ça n'a pas coûté trop cher. Deux grosses boîtes, ben, vous avez vu mon post, et puis une boîte, ça a coûté, avec les assurances et tout, 40$. Puis un autre, ça m'a coûté 30$, plus 87$ de frais. Fait que grosso modo, 150-ish piastres pour shipper tout ça. Puis ça part aujourd'hui. Fait que il m'a payé, j'ai reçu l'argent, j'ai viré ça dans mon compte dans PayPal, j'ai viré dans mon compte Desjardins, puis là il est supposé m'envoyer l'argent pour le reste ce matin puis tout ça. Fait que voilà, ça s'est fait straight demain. C'est fou parce que quand j'ai vendu mes affaires Atari aussi, c'était des gros montants, là, c'était 2500, tu sais, pour plein de jeux Atari, puis Coleco, c'était la même affaire, la collection complète, one shot. Puis c'est des affaires que je me dis, il n'y a personne, tu sais, qui va me faire une offre raisonnable. Tout le monde va m'écrire, « Je peux-tu avoir ça? Je peux-tu avoir... » Si jamais tu veux briser le lot, tu sais. Fait que c'est ça. Mais moi, si j'avais pas trouvé pour l'intellivision, j'aurais amené ça ici. J'aurais mis gros jeux, par gros jeu sur eBay, un par un. Puis j'aurais fait un auction, tu sais, pour tout le reste. Puis j'aurais peut-être même eu plus que 3000 au final, mais ça ne me tentait pas tant de gosser, tu sais. Fait que c'est ça, je suis très content, je trouve que c'est une très bonne offre, 3000 sur un value de 5000 price charting pour de l'intellivision, c'est excellent, c'est plus que 50%, on ne donnerait jamais ça ici chez RetroMTL pour de l'intellivision, de toute façon on n'en voudrait pas, parce que c'est dur à vendre, c'est un collectionneur qui a acheté ça, c'est un propriétaire de boutique en Ontario d'ailleurs, et puis lui tout comme moi veut faire le set complet en boîte, fait qu'il achète mes affaires, ça va comme booster complètement sa collection, il va vendre ses extras, puis j'espère bien qu'il va finir le projet, j'espère, je vais y dire, si jamais tu finis le projet, tu m'enverras une photo, ça serait très nice. Fait que c'est ça qui s'est passé, chers amis. Et puis, ma collection Intellivision était sur la première tablette de mon meuble Nintendo. Puis là, il n'y a plus rien, là. Fait que ça libère de l'espace aussi. Quand on vend des chunks de collection, c'est très agréable. Parce qu'il y a de l'espace qui se libère. Là, je peux juste... Ben, je vais forwarder ma liste, mon Google Sheet à ce gars-là. Je vais déliter ça de ma vie, déliter l'Intellivision de mes apps. Fait que j'ai plus rien, sauf j'ai gardé ma console. J'ai ma flash cart, donc je peux jouer à tous les jeux que je veux encore. Je peux jouer à tous les jeux Intellivision, ça me tente. Et j'ai gardé, bien sûr, mon Intellivania complet en boîte, qui est un fan-made homebrew de Castlevania 1 sur Intellivision. Très, très cool. Fait que je garde ça. Fait que c'est ça qui s'est passé, chers amis. C'est pas tant, tu sais... C'est pas que j'avais besoin d'argent pour... Parce que dans la vie, quand t'as besoin de vendre tes biens pour payer tes billes, l'épicerie et tout ça, ça veut dire que ça va très mal. c'est pas ça l'affaire. Et puis, c'est beaucoup aussi pour réinvestir ou pour trader contre des affaires que je veux vraiment. Puis là, vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai Snow Brothers au NES complet en boîte. J'en ai parlé à Retro Nouveau. J'ai fait un post Facebook là-dessus. Tu sais, cette boîte-là m'a coûté... 360 piastres, genre. Puis le livret, 100 piastres, ça fait 460 piastres. Puis j'avais déjà la carte. Fait que tu sais, c'est beaucoup d'argent, 460 piastres pour une boîte en carton puis un livret. Mais j'aime mieux mettre cet argent-là sur cet item-là que je veux vraiment complet en boîte. Quand je le regarde, tu sais, j'ai des petits papillons. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir, là. Fait que l'Intellivision est retournée direct dans mon compte. Dans mon compte de roulement, tu sais. Parce que moi, mes jeux, j'ai pas tant un compte séparé non plus. J'achète. Quand je veux acheter, j'achète. T'sais. Puis à un moment donné, je suis comme, ouais, j'ai plus même d'argent, arrêtez d'acheter. Fait que là, vu que j'achète avec mon argent courant, ben, j'ai repitché l'Intellivision dans mon argent courant, puis ça sert à payer des affaires que j'ai achetées dans le passé, tu sais. Fait que vous voyez, de toute façon, que j'achète beaucoup. Fait que c'est une très mauvaise chose, mais la misère à me retenir. Donc, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Trade off, je vois ça comme de l'échange, tu sais, je vois ça comme j'ai tradé mon Intellivision pour atteindre d'autres buts qui me sont plus chers, tu sais, que j'ai plus envie. Fait que ça c'est cool. Sinon, ben on va parler un peu de Retro MTL, ça fait déjà une demi-heure de spectacle. Petit update poubelle, j'étais pas là parce que où c'est que j'étais? Je m'en rappelle plus. Ah, j'étais en long week-end là. En beau, c'est whatever. J'étais pas là pour gérer les poubelles. Et puis, il y a encore. Là, je parle du QG. Là. Au magasin, c'est sous contrôle. Quoique un matin, je suis passé, puis il y a eu des affaires à côté sur l'immeuble encore. Puis il y a une nouvelle poubelle en métal qui est apparue que personne n'a ramassée. Elle va rester là toute la semaine, se faire remplir de pluie puis de merde. Ça va être direct devant la porte. Ça, c'est beau. Mais moi, tu sais, comme je prends ces items qui apparaissent là, j'ai un bac de compost plein de crottes de chien, là, d'ailleurs, en avant du magasin. On sait pas c'est à qui. Fait que j'ai pris ça, puis je suis allé le porter ailleurs. Puis s'il revient, je vais continuer à aller le porter ailleurs. Il repartit toujours plus loin. Puis ça va être le problème d'un autre. Parce que j'ai pas de recours. À moins que je lève la grille d'égout, puis je fais juste pousser ça dans l'égout, puis je referme la grille d'égout. Ah là là. Non, je fais juste pousser ça ailleurs, man. Fuck it. Mais ici, au QG, on s'est fait remplir encore une fois. On avait beaucoup de recyclage à sortir. Arrive pour sortir le recyclage. La poubelle, le bac de recyclage dehors est plein à rebord de, encore une fois, un résident du quartier qui a déménagé, whatever, qui a tout mis ses affaires personnelles là-dedans. Et aussi des sacs de crottes de chien. Tu sais, au moins si tu jettes ta marde dans mes affaires, les deux bacs sont à côté de l'autre. Mets ta marde dans la poubelle, tu sais, pas dans le recyclage, man. À la limite, moi, ça change rien à ma vie, mais, tu sais, les pauvres gens au centre de tri, man, ils doivent-tu en avoir des sacs de crottes de chien à trier, eux autres, là-bas? Pauvres, eux autres, man. Ah! J'espère qu'ils sont payés cher, ce monde-là, sérieux, là. Quel travail tough de trier de la marde de même. Parce que les gens, ils mettent la marde dans le recyclage, ça a-tu pas d'allure, ça? Fait qu'on n'a pas pu sortir le recyclage, le bac était plein. Puis là, on a emmené tout ça au chemin. J'ai raté le camion. Fait que tout ça est resté ici, tu sais. Puis on n'a pas pu sortir le recyclage dehors parce qu'en plus, on a raté le camion qui passe très tôt le lundi matin. Très, très, très tôt. Fait qu'on le rate souvent. Donc, on était comme overload ici, là. C'était vraiment pourri. Puis la poubelle, ben, plein de marde encore. Pas à nous, mais il y avait encore de la place pour notre marde à nous. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, je suis venu dimanche, parce que vu que tout ça passe lundi matin très tôt, des fois on le rate. Fait que là, je me suis dit, hey, là, on peut pas rater une autre semaine, là. Ça déborde en dedans, tu sais. Fait que je suis venu dimanche, après-midi, mettre tout ça sur le bord du chemin pour être sûr qu'on les rate pas. Puis là, je travaillais au magasin hier, j'ai pas regardé, là, mais j'espère qu'ils sont passés, là, parce qu'on dirait que pour une fois, le recyclage a pas passé, tu sais. Au lieu de passer très tôt, il est pas passé du tout. On va voir. Fait que tantôt, sur mon heure de lunch, je vais aller prendre une marche sous la pluie, aller voir mes bacs à vidange. C'est ça la vie. C'est ma vie. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste des affaires sales. Il y a des affaires belles aussi. Vous avez vu qu'on a reçu un full set NES chez RetroMTL. Donc, c'était pas dur à trouver. Là. C'est un ami à nous qui a décidé de laisser ça aller comme ça. Et puis, c'est une personne avec qui on a... on est une gang, là, à avoir fait le full set NES dans notre réseau, si je peux dire. Et puis, on avait beaucoup de plaisir à le faire tous ensemble, tu sais, on chassait, on s'aidait, puis tout ça. Puis, on y est tous arrivés. Et puis, c'est ça. Fait que ça fait, quoi, 5 ans qu'il avait fini ça. Et puis, cette personne-là est un magicien. Ah! Un musicien. Et puis, il y a un band, il est très deep là-dedans et tout, fait que ça prend beaucoup de place, bien sûr, dans sa vie. Puis c'est plus important pour lui d'acheter des instruments, puis il voulait, avec cet argent-là aussi, travailler un studio, tout ça, fait que c'est ça, dans le fond, il s'est dit, lui, un peu comme moi, il va tout le temps aimer la NES, cette expérience-là reste pour lui, il a fait ça, tu sais, c'est des beaux souvenirs, et il a une flashcard, et il continue de jouer à la NES, puis à aimer la NES comme nous tous. Tant qu'il veut. Il arrête pas d'être un gamer, il arrête juste d'être un collectionneur de jeux vidéo, là, finalement. Parce qu'avec le temps aussi, avant, au cours des années, il a décidé de laisser aller son Super NES. Il a décidé de laisser aller son Game Boy Advance. Fait qu'il reste encore du Wii et des affaires, puis il est beaucoup dans le Switch comme moi. Mais son monolithe, son bloc NES, tu sais, qui a pris beaucoup de valeur en 5 ans, quand même, il a décidé de laisser ça aller pour réinvestir dans d'autres affaires plus utile pour lui présentement. Alors, c'est ça. Ça s'est fait très vite, là. T'sais, il m'a écrit. Puis là, c'est dur d'évaluer un full set NES, dans le fond. Fait que je suis allé dans Price Charting, j'ai cliqué NES, j'ai pris toute la liste NES de toute la librairie de Price Charting, copié-collé dans un sheet. Et puis, après ça, j'ai tout enlevé, tous les jeux non licencés par Nintendo. Donc, les unlicensed, les Tengen, les jeux de Bible, Color Dream, j'ai tout enlevé ça parce qu'il n'y en avait pas. Et puis, j'ai tout enlevé, les manettes, les consoles, cette junk-là. Ils mettent les homebrew à ça en price charting, il fallait que j'enlève tout ça. J'ai tout enlevé les 5 screws, gardé juste, tu sais, tout régulier, 3 screws. Puis j'ai enlevé Stadium Events parce qu'ils ne l'avaient pas. Fait qu'une fois que j'ai eu fini d'enlever tout ça, toute cette marde-là, là, j'avais effectivement le vrai set complet nord-américain avec le value. Et puis, c'est ça, on lui a donné un bon prix. J'ai comme fait ça un après-midi. J'ai dit, voici ce que ça vaut, que dirais-tu de ça? Puis il dit, ouais, ben j'ai aussi du Game Boy. Vous avez vu, j'ai aussi publié un autre Game Boy, ça vient aussi de lui, ça. Fait qu'on s'est entendus les deux ensemble sur un prix. Et puis le lendemain, il venait porter ça, on y virait le cash, puis merci, bonjour. On n'aurait jamais vu comme un paiement de maison, un cash down de maison partir aussi vite que ça. Mais c'est correct, on peut se le permettre, puis on va toujours pouvoir se permettre les achats de belles marchandises. Fait que c'est ça. Ça vaut cher un full set NES, hein, c'est un... Loose. D'après price charting, à ce que je vois, tu sais, comme juste price charting, là, c'est autour de 40 000 là, présentement. Fait que, là, mais tu sais, ça vaut un peu plus que ça aussi. D'un autre côté, quand vous évaluez ça, il y a tout le temps des jeux dans les collections qui sont en mauvais état. Fait que là, c'est sûr que ça fait baisser à des places. Fait que tu fais pas ça à pièce près, là, tu sais. Mais ouais, fait que full set loose, c'est 40 000, me semble, qu'on était rendu. La valeur. Donc, c'est ça. Fait que c'est ici. Là, l'avantage d'acheter des collections comme ça d'un coup, c'est que la plupart des jeux sont très propres. Fait qu'il reste juste à comme les tester, nettoyer un peu les boards quand ils partent pas du premier coup. Et puis, that's it, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de collants à enlever, pas beaucoup d'affaires. Fait qu'on est capable d'en process rapidement. Donc, vous pouvez voir ça. Surveillez nos réseaux sociaux. On pitch ça autant qu'on peut. Là. On est understaff un peu ces temps-ci. Là. Fait qu'on rush vraiment. Puis on a du staff régulier de malade, dont aujourd'hui. Fait que là, je sais pas qui va là en magasin. Il y a juste Joe là, qui fait du remplacement. Puis la personne régulière est pas là. Fait que, tu sais, c'est ça. On rush un peu, mais à partir de la semaine prochaine, ça devrait être un petit peu plus steady à ce niveau-là. Puis moi et Martine, on a des meetings aujourd'hui avec d'autres compagnies. Fait qu'on est une grosse journée, tu sais. Fait que, ouais. Et puis, vous avez vu aussi, chez Retro MTL, on a acheté un lot de junk, là, avant le lot NES. Vu que j'ai pas fait de show depuis un bout, j'avais pas parlé de ça. On magasine pas, tu sais, sur Marketplace parce que c'est épouvantable, c'est désagréable, puis on n'a pas besoin de le faire pour s'approvisionner. Mais de temps en temps, il y a du monde qui nous forward des annonces, des amis, tu sais, qui nous forward des annonces quelconques, tu sais. Ou des arcades, ou des patentes qu'ils voient, des lots Intellivision. Puis là, c'est un ami à nous qui nous a forwardé cette annonce-là, qui était comme des manettes, comme un gros tapon de 600 manettes de Super Famicom, de PS1, de Genesis, de NES, de Super NES, PlayStation 2, PlayStation 3, avec plein de consoles, genre une vingtaine de Super Famicom, une soixantaine de PS1, une vingtaine de NES, quoi d'autre qu'il y avait là-dedans? Il n'y avait pas de PS2. C'est pas mal ça, dans le fond. Fait qu'un gros lot de junk de même, testé ou non, tu sais, le vendeur sur Marketplace, il voulait vendre à la pièce. Moi, j'ai dit, hey, on peut t'acheter tout ça d'un coup si tu veux. Tu sais, là, vous dites, mais on va être cave, acheter 60 PlayStation 1. Ben, si on regarde nos ventes, on est capable de vendre ça en moins d'un an. Tu sais, fait qu'on les aura. On va les process tranquillement. Les manettes, c'est pareil, là. Tu sais, les manettes, on en vend beaucoup, là. Fait que ça revient un bon deal. Si on paye un lot de gens pas cher, c'est sûr qu'il y a des pertes. Il y a des affaires qu'on peut réparer. Tu sais, il y a des affaires qu'on va juste comme nettoyer, ça marche, go. Mets ça en ligne. Tu sais, c'est pas une affaire que tu vends en deux mois, ça, là. C'est du roulement pour un an, tu sais. Mais on va tout le vendre pareil, puis on l'a payé vraiment pas cher, tu sais. C'est que, oui, il y a du nettoyage à faire, puis tout, fait que ça augmente le cost, mais le cost, à la base, il était tellement bas que ça demeure un excellent deal, tu sais. Vous pouvez regarder ça et dire, voyons, qui c'est qui voudrait d'un lot de marde pareil? Ben moi, je vais vous dire, un lot de marde comme ça, c'est pas mal plus payant que d'acheter un lot, style de... un full set de Nintendo 64 en boîte qu'on va dire que ça vaut 50 000 $, puis le vendeur, il veut le vendre 40 000, puis que, tu sais, puis que c'est long à vendre parce que chaque jeu vaut super cher. Fait qu'il faut que tu trouves un bon acheteur qui veut acheter un jeu de 64 à 500$. Vendre des gros jeux, là, c'est vraiment dur. Moi, ça m'intéresse pas. Si ce full set NES-là avait été en boîte, je l'aurais même pas acheté. Ben, ça aurait coûté, je sais plus, moi, 150 000. Il aurait fallu payer quoi, 100 000 là-dessus? Puis le temps de revendre ça. Qui veut acheter Color, a Dinosaur, complet en boîte, je sais-tu combien ça vaut le jeu, là, 1500, je dis n'importe quoi, j'ai rien vérifié des chiffres, je dis. Mais quelqu'un qui veut acheter un jeu à 1500, faut que tu le trouves, là, l'acheteur. C'est long, vendre des gros jeux en boîte, c'est très long. Fait que ton cash, ton gros investissement, puis t'as payé là, cher, parce que c'est du premium, c'est de la collection, t'as payé 80-85%. Fucking long vendre ça, là. Ton cash, il dort longtemps, là. Oui, ça te fait des belles vitrines, tu sais, puis ça en prend, mais pas du gros volume de même. Un lot de junk comme on a acheté, qu'on process, c'est du backburn, ça. C'est tout le temps du charbon dans le feu, là, tu sais. Fait que pas mal plus payant, ça, là. Fait que ne vous y méprenez pas. On n'est pas cave. C'est très bon, un lot comme ça. Mais, man, c'est dur à démêler, par exemple. Un tapon de fil de même, là, hey, c'est comme, tu penses que tu peux juste sortir les manettes comme ça, mais pas du tout, là. Faut que tu t'assoies pis que tu gosses là-dedans. C'est vraiment intense. Fait que c'est ça, c'est un beau lot, ça aussi, qu'on travaille comme on peut. Ah, je vais m'étirer un petit peu, là. Parlant d'argent encore. Parlons de taux hypothécaire. J'ai une note ici. Vous savez, le taux... comment ça s'appelle? Le taux du Canada. Le taux maître, finalement. Si j'ai oublié le nom. Il va monter. D'ailleurs, il a monté... il est supposé monter encore en juillet. Il vient de monter. Tout ça va monter, tu sais. Puis moi, nous, on avait brisé notre hypothèque l'année passée. On avait genre... Je me rappelle plus, là. Presque 3%. Puis on a re-signé variable à 1,5. Puis ça valait la peine de payer à pénalité puis tout ça parce qu'on dropait vraiment puis on payait plus de capital et tout. Fait que c'était vraiment un bon deal. Puis là, bien, la COVID, bien sûr, là, ça, on s'en sort, mais là, il y a l'inflation, le taux va monter, puis ça se parle, puis ça se dit, ça en parle aux nouvelles. Tu sais, moi, les taux qui montent, là, tout le monde me dit « Prends un taux fixe, ça va monter, prends un taux fixe, ça va monter. » Je le répète, je le dis souvent, je me suis toujours fait crosser à prendre des taux fixes parce que... Ils sont ben trop élevés par rapport au taux variable, même si le taux variable monte. Moi, je peux me le payer, le taux fixe. T'sais, fait que si le taux variable il est 17, puis t'sais, il augmente, ben, je peux me le payer pareil jusqu'à ce qu'il matche le taux fixe. T'sais. C'est ça qui se passe présentement. Là, j'ai paniqué un peu comme tout le monde. J'ai appelé ma conseillère, puis on a pris un rendez-vous. Puis là, il disait, si tu fixes ton taux, je me dis, il faut fixer le taux sûrement, là, parce que ça va monter en malade, là, tu sais, passer de 1,5 à 5, tu sais, pour fixer ça. Mais je pense pas que ça va se rendre à 5, là. Elle dit, si tu fixes maintenant, tu vas monter de 2% one shot. Tu sais, hey, 2% en 4 ans, ça me semble énorme. Fait que je garde mon taux variable à 1,5. Il a déjà monté de 0,5, fait que là, je dois être à 2. Mais le temps qu'il se rende à 3,5, là, 3,6, là, il se rendra pas là d'ici les 4 prochaines années, à mon avis. Et s'il se rend là, ben, toute la période de temps qu'on aura payé moins que ce taux fixé-là, qui va être le taux... si je fixe mon taux variable, il devient égal au taux fixe, tu sais, carrément, présentement, que si maintenant vous achetez quelque chose. Fait que c'est ça. Donc, toutes les années que je passe à payer moins que le taux fixe que je fixerais, ben, je suis gagnant. Puis je pense pas que le taux va se rendre là. Fait que, tu sais, on fait rien à ce niveau-là, finalement. Fait que parce qu'on part de tellement bas, tu sais. Si les taux, ils jump de 3% d'ici 2 ans, tu sais, Chris, man, ça va aller mal en esti, là. C'est arrivé des catastrophes du genre dans le passé, là, mais je pense que les banques et puis les pays ont compris par rapport à ça. Et puis, je serais très étonné, là, tu sais. Fait que, cela dit, même si ça monte un peu plus, whatever, ben... T'sais, OK, mais on peut se le permettre pareil. L'important, c'est de pouvoir se le permettre. T'sais, faut que tu checkes ça. Puis, ça me fait pas peur. Et puis, ben, je veux dire, ça me fait l'inflation présentement me fait peur. La montée des taux, ça fait peur. Tout ça fait peur, hein, en passant. C'est assez atroce, là. Ben, on le vit, t'sais, je veux dire, personne n'est dans « marde », là, entre guillemets, mais tout coûte plus cher. Fait que tout le monde doit revoir ses affaires. Fait que c'est pas simple pour personne, là, tu sais. Fait que regardez ces affaires-là, d'ailleurs, si vous êtes propriétaire, je vous le recommande. Là. Passez un coup de fil à votre conseiller, conseillère. Que faites-vous? Si vous êtes sur le bord d'acheter, tu sais, si tu... Là, en tout cas, moi, je trouve que c'est tout le temps le bon moment d'acheter. Là. Les maisons vont pas perdre de la valeur. Là. Est-ce qu'ils sont overpriced présentement, les maisons? Peut-être. Mais, tu sais, c'est comme les jeux. Hein. Quand tu veux de quoi, t'es mieux de l'acheter au prix du marché maintenant. Le marché de l'immobilier, il va pas à la baisse. Tout comme les marchés, le marché du jeu vidéo, tu sais. Peut-être qu'un jour. On verra. En attendant, si tu passes tout ton temps de questionner, t'auras jamais rien. Et puis, voilà. Donc, checker ça, c'est bien important. C'est bien important. Je vais finir avec des petits dossiers légers. Je suis allé voir Sonic 2 en Beauce, au cinéma La Lumière, ou cinéma Lumière de Sainte-Marie-de-Beauce, qui est figé dans le temps. Donc là, c'est le fun. C'est genre 5$ pour les enfants, 10$ à un adulte, le popcorn à 8$. C'est vraiment pas cher. Mais là, c'est pas le cinéma surround, pis tout, là. Pis tant mieux, parce que, man, Chris. Fait qu'on est allé voir Sonic 2 pas cher. C'était bien. J'avais aimé ça, le premier. Je pense que j'ai eu plus de plaisir à écouter le premier que le deuxième. Le deuxième, man, il y a de l'emphase pareil, là, sur les humains, là, à certaines places dans le film, pis... On s'en crisse. On s'en fout de ça. Ça sert à rien, tu sais, c'est pas... T'sais, les humains dans Sonic sont tellement pas intéressants, là, t'sais, fait que c'est ça. Fait qu'il y avait du remplissage, mais quand je dis humain, je compte pas Jim Carrey, qui fait encore une fois un travail incroyable, t'sais, c'est vraiment bon. Et puis, les gens disaient qu'il y avait énormément de références, t'sais, aux jeux, à quelques jeux, t'sais, à plusieurs jeux. Et puis, moi, je suis pas un grand connaisseur de la série Sonic. Je trouve ça plate, un peu, Sonic, t'sais. Je me tente très vite, moi, de jouer à ça. J'ai jamais le courage de m'y remettre et de finir ça. Je trouve pas ça si fun. Je trouve ça overrated. Mais c'est ça. Mais je connaissais pas, bien sûr, tout le lore de Sonic. Fait que je suis allé voir des vidéos YouTube et puis il y a plein d'affaires que j'ai appris. Puis, tu sais, je trouve ça nice. Il y en a que, bien sûr, ça saute aux yeux. Là, comme le café de Robotnik qui s'appelle Mean Bean Coffee. Là, tu sais, ça, c'est quand même nice. Mais il y avait plein d'autres petits détails aussi. Fait que c'est très cool. Tu vois que les gens qui ont fait ça, le film, ils ont beaucoup de... Ils ont checké ça, tu sais. Fait que c'est très bien. Mais c'est pas un grand film, là. Je veux dire, c'est sympathique. Allez le voir si vous avez aimé le premier. C'est comme le premier. C'est du nanan. Le troisième, là, ça finit plus, hein. Ils vont en faire, mais ils vont milker ça, cette série-là. Restez jusqu'à la fin du générique en passant, ça montre un peu qu'il y en aura un troisième. Je me demandais s'il fallait que je reste jusqu'à la fin d'ailleurs, on a bien fait de rester. En plus, j'étais avec mon plus jeune et puis sa cousine, tu sais, puis des fois les enfants, la cousine connaissait rien de Sonic, tu sais, je me dis ils vont décrocher, là, tout ça, mais j'ai réussi à les faire toffer jusqu'à la fin du générique, puis on a vu quelque chose. Sinon, ben j'ai fini Ori and the Will of the Wisps. Le deuxième Ori, que j'ai beaucoup préféré au premier, finalement, tu sais, l'attaque. J'ai déjà parlé de ce jeu-là, j'ai pris le temps de le finir, j'étais à 98%, et puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Je me suis rendu plus loin dans le pourcentage de complétage, parce que j'ai pogné de quoi qui me montrait tous les trésors et tous les secrets sur la carte. Fait que, puis je me suis rendu compte que c'était facile de téléporter d'une place à l'autre. Alors, je suis allé chercher des affaires-là. Fait que je suis content, j'ai bien exploré ce jeu-là. C'est absolument magnifique. Si vous connaissez pas la série Ori, allez voir du gameplay. Puis si vous pensez que ça vous parle, comme... Tu sais, jouez, là. C'est vraiment... Ces jeux-là sont des chefs-d'œuvre. Le premier est excellent. Le deuxième, il a juste comme changé quelques mécaniques, des petits tweakages pour ajouter des patentes, ce qui le rend encore meilleur, à mon avis. Mais il est pas, tu sais, comme... 200% meilleur, là, tu sais, c'est deux excellents jeux. Le deuxième est juste un petit peu ajusté. Fait que c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Là, chez Retro MTL, vendredi matin, sort Switch Sport. J'arrête pas de dire Wii Sport tout le temps. On a tellement tous joué à Wii Sport. Je suis pas capable de pas dire Wii Sport quand je pense à Switch Sport. Ça sort vendredi. On va en avoir, bien sûr. Je m'en garde une copie. Parce que sinon, un des seuls jeux intéressants sur Wii, c'était Wii Sport. On a tous joué à ça, on a tous eu du plaisir. Et puis, il y a un autre jeu... Qui arrive vendredi aussi, puis celui-là est quand même très attendu. Pour les amateurs de Metroidvania. Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth. Donc, ceci, moi, j'ai aucune connaissance de la série Lodoss War. C'est un manga, c'est des jeux, il y a plein d'affaires à Lodoss War. Je connais rien à Lodoss War. Par contre, ce jeu-là, Ben Mirandette de Accro des Jeux, est passé en magasin hier. Et puis, il m'a teaché une couple d'affaires TikTok. D'ailleurs, on a ouvert un compte TikTok Retro MTL. J'en ai fait un aussi, Papa Cassette. Ils sont zéro actifs, mais faut s'activer là-dessus. Mais là, j'ai pas le temps, là, mais en tout cas, on les a. Ça sera ça. Et puis, donc, on a parlé de ça. Puis lui, il avait backé ce jeu-là. C'était un Kickstarter. Donc, c'est comme un projet, ça, qui utilise la franchise Lodoss War pour faire un Metroidvania qui est à tout point semblable à Symphony of the Night. Même le personnage principal, qui est une genre de elfe là, avec une cape, sa cape qui vogue dans le vent, elle vogue de la même façon qu'Alucard dans Symphony of the Night. Donc c'est absolument incroyable, c'est quasiment du 1 pour 1. Je regardais du gameplay hier, c'est vraiment hot. Et puis ça sort cette semaine, on n'en aura pas tant de copies, on aurait peut-être dû en commander plus, mais en tout cas, on va en avoir je pense une trentaine, puis ça va pas flyer bien vite. Fait que surveillez ça si vous aimez les Metroidvania. Benoît Mirandette, il m'a dit que lui l'a fait parce qu'il était un early backer. Là, je sais pas quoi, il a eu le jeu en digital déjà, puis il l'a fait. Il dit, ah, il y a des segments un petit peu vides et puis il manque un peu de monstres, ceci et là, mais c'est bien. Fait que, puis c'est pas, il l'a fait en 8 heures, qu'il m'a dit. Donc, tout ça. Moi, 8 heures, ça me convient, même si c'est un peu vite. Tu sais, comme ces commentaires-là vont pas affecter le fait que j'ai vraiment envie de jouer à ça. Puis je serai comblé de jouer à ça, je suis sûr et certain. Ça va être, je vais m'asseoir chez nous, je vais avoir du plaisir à jouer à ça, c'est sûr. Et puis, ouais, il va falloir que je termine le spectacle. Snow Brothers aussi, on a recommandé sur Switch, on a recommandé un petit peu plus finalement. Donc ça s'en vient. J'ai hâte de voir les prochains Limited Run qui s'en viennent aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui nous parle, qui nous demande la sortie, c'est quand, de Chrono Cross, le remake Switch. On a ouvert les précommandes là-dessus, puis on en a reçu énormément, beaucoup. Tu sais, les précommandes, ce qui précommande le plus habituellement, c'est les gens de Triple A Nintendo, là, tu sais. Le record avait été Mario 3D All-Stars, parce que Nintendo, ils ont dit, on en fait juste une batch, puis c'est fini. Puis là, tout le monde a comme... Faut que j'en aie un. Puis tu sais, ça c'est niaiseux, c'est comme le Mario All-Stars sur Wii. Il y en a, là. Ils en font une batch, mais ils en font un trillion, tu sais. On peut commander ça n'importe quand, là. T'sais, on en commande encore régulièrement ici. Là, tout de suite, je peux en commander 30 si ça me tente. Fait que finalement, il en manque pas de ces affaires-là. Là. Donc, voyons. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'était une très grosse précommande chez nous. Mais Chrono Cross, pour un jeu qui n'est pas un AAA Nintendo, a une très, très, très forte demande. C'est incroyable. J'aurais pas pensé que le monde aimait tant que ça, ce jeu-là, pour être franc. Tu sais, dans les... Oui, il y a bien des RPG au PS1, puis celui-là, oui, c'en est un populaire. Mais à ce level-là, je suis vraiment surpris. Je ne me serais pas attendu à ça. Fait que... Donc, je peux pas... On sait pas du tout la date de sortie de cette affaire-là. Ça s'en vient... C'est un import, fait que c'est flou. Donc, on le sait pas. Mais ça va arriver. On va avoir toutes ces copies-là, mais on sait pas quand. Fait que, voilà. Donc, va falloir que je ferme ça. Va falloir que j'y aille. Et puis, semaine prochaine, je devrais être un petit peu plus... Là, je serai pas présent jeudi, vendredi. Et puis, cette semaine, donc, ben des affaires à checker. Ben des affaires à faire. Alors, ouais, à partir de la semaine prochaine, j'avais un gros mois d'avril, mais c'est ça, à partir de la semaine prochaine, je devrais être un petit peu plus normal, donc je devrais être un petit peu plus présent. Merci à tous, merci à mes Patreons qui continuent de m'encourager toujours, c'est très, très, très apprécié. Aux gens qui commentent mes affaires sur Facebook, qui laissent, ou sur YouTube, ça me fait toujours plaisir de vous lire, vraiment. C'est très apprécié. Et puis, ben, je vais continuer d'essayer d'être présent autant que je peux. Il arrive mon 100e épisode. Là, j'étais à 98. J'ai pas d'idée. Puis, pour être franc, je pense pas faire de quoi de bien spécial. Mais je suis dû pour faire un épisode avec Martine ici. Puis, bien sûr, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais je pense que ça pourrait être ça. Avec des petits invités de temps en temps. Là, on verra à ça. Donc, puis mon hockey est fini le mardi soir aussi, fait que ça me libère une slot là, à toutes les semaines. Donc, tu sais, si je veux faire de quoi le soir, un enregistrement ou quelque chose, à part de rétro nouveau, ben c'est possible, tu sais. Donc, à suivre. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi YouTube, Google Play, Spotify, iTunes. Et puis, j'ai un compte TikTok, mais suivez-moi pas, j'ai rien dessus pour l'instant. TikTok, il faut en mettre beaucoup hein, pour que ça soit relevant. Et puis, j'ai pas le temps, là, c'est sûr. Mais je commence à explorer ça. La vie est là maintenant, même Facebook. Il n'y a plus aucun jeune qui est là-dessus. T'sais. Ils sont tous sur Instagram et TikTok. Fait qu'il faut changer notre game. Et puis, faut que je m'adapte à ça. Mais, tu sais, ajouter un autre réseau social dans ma vie, j'ai comme une autre affaire à checker, là, tu sais. Puis moi, quand je fais ça, tu sais, là, il l'a pour Retro MTL. Là, il l'a pour Arcade MTL. Puis là, il l'a pour Papa Cassette. Puis là, il l'a pour Retro Nouveau. Puis là, c'est... À chaque affaire, tu sais, c'est comme 4-5 fois. C'est trop pour moi, là, tu sais. Je peux pas suivre tout ça, là. Ça me prendrait quelqu'un là, qui fait toutes mes médias sociaux, de toutes mes plateformes. Ils étaient assis à côté de moi, je dis « Fais du contenu! Go, fais du contenu! Faut que ça soit cool! » Moi, j'ai démérité. On est rendu là. Bon, hey, je vous laisse là-dessus. Merci encore à tout le monde. Très apprécié. Et puis, on se voit très bientôt.